quand tu m'ennuies, je fais ça, je visite pour me faire du souci et que tu me manques aussi. Paris, Paris, c'est une blonde. Paris, Paris, qui perd tout le monde. J'ai besoin de problèmes.